Landry trouva d'abord l'idée de la fadette si drôle qu'il pensa à en rire plus qu'à s'en fâcher. Mais, en y songeant, il se sentit tout à fait humilié d'être voué à une pareille danseuse. Et quand il se souvint qu'il s'était fait promettre au moins 3 bourrées par la belle Madelon, il se demanda comment le prendrait l'affront qu'il serait forcé de lui faire en ne les réclamant point. Cette nuit-là, il fut 50 rêves qui tous leur amenaient la petite fadette. Landry fut si fatigué de cette mauvaise nuit qu'il s'endormait tout le long de la messe. En sortant de l'église, il était si chargé de langueur qu'il avait oublié la fadette. Elle était pourtant devant le porche, tout auprès de la belle Madelon, qui se tenait là, bien sûr, que la première invitation serait pour elle. Mais, quand il s'approcha pour lui parler, il fallait bien voir le grelet qui fit un pas en avant et lui dit bien mot, avec une hardiesse en pareil. « Allons, Landry, tu m'as invité hier soir pour la première danse, et je compte que nous n'allons pas y manquer. » Landry devint rouge comme le feu, et voyant Madelon devenir rouge aussi, pour le grand étonnement et le grand dépit qu'elle avait d'une pareille aventure, il prit courage contre la petite fadette. « C'est possible que je t'ai promis de faire danser, grelet, lui dit-il, mais j'avais prié une autre auparavant, et t'en reviendras, après que j'aurai tenu mon premier engagement. »« Non pas, repartit la petite fadette, avec assurance. « Ta souvenance te fait défaut, Landry. Tu n'as promis à personne avant moi, puisque la parole que je te réclame est de l'an dernier. » Et que tu n'as fait que me la renouveler hier soir. Si la Madelon a envie de danser avec toi aujourd'hui, voici ton Besson, qui est tout pareil à toi, et qu'elle prendra ta place, l'un ou l'autre. Le grelet a raison, répondit la Madelon avec fierté, en prenant la main de Sylvine. Puisque vous avez fait une promesse si ancienne, il faut la tenir, Landry. J'aime bien autant danser avec votre frère. Il fallut bien en passer par là.